Melmoth ou l'homme errant de Charles Mathurin. Quatrième partie, chapitre 1. Histoire des Indiens, chapitre 20. Dans le nord des Indes et non loin de l'embouchure de Hooghly, est située une île qui, par sa position et par des circonstances particulières, resta longtemps inconnue aux Européens. Elle n'était même visitée par les habitants des îles voisines que dans certaines occasions extraordinaires. Elle était entourée de bas-fonds qui en rendent l'approche impraticable à tout vaisseau chargé, et les rochers qui bordent la côte font que cette approche est dangereuse, même pour les légers canots des naturels du pays. Mais ce qui la rendait autrefois plus formidable encore que tout le reste, c'était les horreurs dont la superstition l'avait comme investie. Il existait une tradition d'après laquelle le premier temple de la déesse Seva avait été construit dans cette île, où sa hideuse idole, assise sur une natte de vipère entrelacée, portant un collier de crânes humains et des langues fourchues sortant de ses 20 bouches de serpent, avait reçu de ses adorateurs le premier hommage sanglant, hommage qui consistait en membres mutilés et en enfants immolés. Le temple avait été renversé et l'île à moitié dépeuplée par un tremblement de terre qui s'était fait ressentir jusque sur les côtes des Indes. Il avait cependant été rebâti par le zèle de ses adorateurs qui recommençaient à visiter l'île quand un ouragan, sans exemple même dans ces climats, vint désoler le lieu consacré. La pagode fut consumée par la foudre. Les habitants, leurs maisons, leurs champs cultivés furent détruits, au point qu'il ne resta pas dans toute l'île une trace d'humanité, de culture ou de vie. Les dévots consultaient leur imagination pour se rendre compte de la cause de ces calamités, et tandis qu'assis à l'ombre de leurs cocotiers, ils défilaient leurs chapelets de couleurs, ils attribuaient ces événements à la colère de la déesse Seva, irritée de la popularité croissante du dieu Juggernaut. Il soutenait que l'on avait vu son image s'élevant au milieu des flammes qui avaient consumé les autels auxquels ses adorateurs s'étaient vainement attachés pour leur sûreté, et ils étaient fermement persuadés qu'elle s'était rendue dans quelque île plus heureuse, où elle espérait jouir de festins de chair et de sang, en paix et sans être molestée par l'aspect du culte d'une déité rivale. En conséquence, l'île resta pendant de longues années inculte et privée d'habitants. Les équipages des vaisseaux européens, ajoutant foi à l'assurance des Indiens et persuadés qu'ils n'y trouveraient ni animaux, ni végétaux, ni même de l'eau, évitaient de la visiter. Et les naturels du pays, en passant devant leurs canots, lançaient un regard de tristesse sur son aspect désert et jetaient quelques objets à la mer pour désarmer le courroux de Siva. Cette île, ainsi abandonnée à elle-même, devint d'une fertilité extraordinaire, de même que l'on voit certains enfants qui profitent mieux quand on les néglige, que quand on les entoure de tous les soins du luxe et d'une tendresse excessive. Le sol était tapissé de fleurs, les arbres couverts du feuillage le plus épais, pliés sous le poids des fruits. Mais il n'y avait pas de main pour les cueillir, ni de bouche pour les savourer. Quand un jour, quelques pêcheurs, qu'un courant très fort avait poussé dans l'île, qu'ils avaient vainement cherché à éviter, se virent forcés d'en approcher, non sans avoir adressé à la déesse Seva les plus ferventes prières pour se la rendre favorable. À leur grand étonnement, ils purent s'en éloigner de nouveau sans avoir éprouvé de malencontre. Seulement, ils rapportèrent à leur retour qu'ils y avaient entendu les sons les plus exquis qui jamais eussent frappé leurs oreilles, et ils jugèrent que sans doute une déesse moins cruelle que Séva y avait fixé son séjour. Les plus jeunes d'entre les pêcheurs ajoutèrent à ce rapport qu'ils avaient entrevu la figure d'une femme, d'une beauté extraordinaire, qui avait glissé et disparu entre les arbres qui ombrageaient de toutes parts les rochers de la côte. Ils ne manquèrent pas de supposer que cette femme était une incarnation de Vishnu, sous une forme plus aimable qu'aucune de celles qu'il eût jamais prises. Les habitants des îles voisines, non moins superstitieux que pleins d'imagination, déifièrent cette vision, chacun à sa manière. Les vieux dévots, en l'invoquant, n'abandonnaient aucune des pratiques sanglantes du culte de Séva et de Hari. Les jeunes femmes s'approchaient avec leur léger canot, le plus près possible de l'île enchantée, offrant des vœux à Kamdeo, le dieu de l'amour chez les Indiens, à qui elles envoyaient de petites nacelles de papier remplies de fleurs, et avec un cierge allumé, dans l'espoir que leur divinité chérie fixerait sa résidence dans cette île. Les jeunes gens aussi, ou du moins ceux qui étaient amoureux et qui aimaient la musique, allaient sur les côtes de l'île supplier Apollon Krishnu de la sanctifier par sa présence. Ne sachant ce qu'il fallait lui offrir, debout sur la proue de leur canot, ils chantaient des airs sauvages et finissaient par jeter à la mer une figure de cire tenant en main une espèce de lyre. On vit pendant longtemps ces canots voguer, régulièrement toutes les nuits, et se croiser dans l'obscurité comme des météores lumineux. Tantôt une main tremblante déposait sur la grève la lanterne de papier ou la corbeille de fleurs. Tantôt une main plus hardie la suspendait en offrande au rocher du rivage. Les simples insulaires se plaisaient dans leur humilité volontaire, mais on remarquait qu'ils revenaient de l'île avec des idées bien douces de l'objet de leur adoration. Les femmes s'efforçaient de répéter les sons divins qui avaient frappé leurs oreilles. Les hommes rentraient chez eux, désolés de n'avoir pu entrevoir la forme céleste qui, au rapport des pêcheurs, errait dans ce lieu inhabité. Peu à peu, l'île perdit la mauvaise réputation dont elle avait joui depuis si longtemps, et une aventure arriva à la fin, qui ne laissa plus de doute sur sa sainteté et sur celle d'un seul habitant qu'elle renferma. Un jeune Indien avait offert, à plusieurs reprises, mais en vain, à sa bien-aimée, le bouquet mystique, dont l'arrangement des fleurs exprimait son amour. Inquiet de savoir sa destinée, il se rendit à l'île enchantée, afin de l'apprendre de la mystérieuse divinité qui y avait fixé sa demeure. Pendant qu'il dirigeait son canot vers la côte, il composa une chanson impromptue, dans laquelle il disait que sa maîtresse le repoussait comme s'il avait été un paria. Quoiqu'il l'eût aimé, fut-il même descendu de l'illustre caste des Brahmes. Il ajoutait que sa peau était plus brillante que le marbre, poli des degrés par lesquels on descend à la fontaine d'un Raja, et ses yeux plus brillants qu'aucun de ceux qui se soient jamais cachés derrière la pourda brodée d'une nawob. Elle était plus majestueuse à ses yeux que la noire pagode de Juggernaut, et plus éclatante que le trident du temple de Mahadeva, quand il est éclairé des rayons de la lune. Il n'était pas étonnant que ces deux objets trouvassent une place dans ses vers, car il les distinguait l'un et l'autre sur la côte, tandis qu'il sillonnait une mer tranquille, sous le ciel serein d'une nuit du tropique. Il termina sa chanson en promettant à sa maîtresse, si elle agréait ses soupirs, de lui construire une cabane à quatre pieds de terre, pour la mettre à l'abri des serpents, de planter à l'entour des palmiers et des tamarins, et de chasser pendant son sommeil les moustiques avec un éventail formé des feuilles du premier bouquet qu'elle daignerait accepter en témoignage de sa passion. Le hasard voulut que la même nuit, la jeune personne, de qui la réserve n'avait pas eu l'indifférence pour cause, se rendit aussi à cette île, dans un canot, et avec deux de ses compagnes, afin de découvrir si les vœux de son amant étaient sincères. Ils arrivèrent au même instant, et malgré l'obscurité que les premières teintes du matin n'avaient pas encore dissipée, ils prirent courage et ils descendirent chacun de leur côté, sur le rivage, tenant dans leurs mains des corbeilles de fleurs. Ils s'avancèrent vers la ruine de la pagode, où l'on s'imaginait que la nouvelle déesse avait fixé son séjour. Ils eurent quelque peine à se faire jour à travers les taillis de fleurs qui couvraient spontanément la terre inculte, et non sans crainte de voir un tigre s'élancer sur eux à chaque pas. Ils se rassurèrent cependant quand ils se furent rappelés que ces animaux se cachent d'ordinaire dans les grands marais de roseaux et n'ont pas pour retraite les lieux parfumés de fleurs. Les crocodiles n'étaient pas non plus à craindre dans les ruisseaux étroits qu'ils pouvaient traverser sans mouiller de leur eau limpide la cheville de leurs pieds. Le tamarin, le cocotier, le palmier éparpillaient leurs fleurs, exhalaient leurs parfums et balançaient leurs rameaux sur la tête de la jeune femme tremblante et pieuse à mesure qu'elle approchait des ruines de la pagode. Ce temple avait été jadis un édifice massif et carré, construit au milieu des rochers qui, par un caprice de la nature, assez ordinaire dans les mers des Indes, occupait le centre de l'île et paraissait être le résultat d'une éruption volcanique. Le tremblement de terre qui avait renversé le temple avait mêlé les rochers et les ruines, de manière qu'ils ne formaient plus qu'une masse informe, qui semblait attester à la fois l'impuissance de la nature et de l'art, abattue par cette puissance qui les a créés et qui peut les anéantir l'un et l'autre. D'un côté, l'on voyait des colonnes chargées de caractères hiéroglyphiques. De l'autre, des pierres qui portaient les marques d'un pouvoir irrésistible. « Mortel, disait ce pouvoir, vous tracez avec le ciseau. Je n'écris qu'avec le feu. » Ici, les restes du monument offraient la représentation des serpents hideux sur lesquels Séva avait été assise. Et là, la rose croissait entre les fentes des rochers, comme si la nature avait voulu envoyer la plus charmante de ses enfants pour prêcher aux humains sa douce théologie. L'idole même était tombée, et ses fragments épars jonchaient le terrain. On voyait cependant encore cette bouche horrible dans laquelle on avait autrefois jeté des cœurs palpitants, tandis qu'alors des paons superbes étalaient leurs magnifiques plumages, nourrissaient leurs petits au milieu des branches de tamarin qui ombrageaient ces fragments noircis. Les jeunes indiennes s'avançaient et leurs craintes diminuaient. Rien, en effet, ne devait inspirer cette terreur religieuse qui marque l'approche d'un être spirituel. Tout autour d'eux était calme, obscur et silencieux. Près des ruines se trouvaient les restes d'une fontaine, telle que l'on en voit à côté de toutes les pagodes, et qui servent à rafraîchir et à purifier les dévots personnages qui visitent le lieu. Mais les degrés qui y conduisaient étaient brisés, et l'eau était stagnante. Les jeunes indiennes en burent cependant quelques gouttes, en invoquant la déesse de l'île, après quoi elles s'approchèrent de la seule arcade qui resta entière. L'intérieur du temple avait été creusé dans le roc. On y voyait, comme dans l'île éléphantine, des figures monstrueuses, taillées en pierre, dont les unes étaient adhérentes aux rochers, et les autres détachées. Deux jeunes compagnes de l'Indienne, distinguées par leur courage, s'avancèrent en formant une espèce de danse irrégulière devant les ruines des anciens dieux et invoquèrent la nouvelle habitante de l'île pour qu'elle daignât être propice aux vœux de leur ami. Celle-ci s'approchait de son côté pour suspendre sa guirlande de fleurs aux débris d'une idole à moitié cachée parmi les fragments de pierre et couverte de cette riche végétation qui, dans les pays de l'Orient, semble annoncer le triomphe éternel de la nature au milieu des ruines de l'art. La rose se renouvelle tous les ans, mais des siècles ne renouvelleraient pas une pyramide. La belle indienne attache sa guirlande. Tout à coup, une voix cachée murmure « Il y a ici une fleur fanée. » « Oui, oui, il y en a une, » répond la jeune fille, « et cette fleur fanée est l'emblème de mon cœur. J'ai cultivé plus d'une rose, mais j'ai laissé flétrir celle qui m'était la plus chère de toutes. Veux-tu la ranimer pour moi, déesse inconnue, afin que ma guirlande ne déshonore pas tes autels ? Veux-tu la ranimer ? Veux-tu ranimer la rose en la réchauffant contre ton sein ?» dit le jeune amant en sortant de derrière les fragments de rochers et de colonnes où il s'était caché et où il avait prononcé, sous la forme d'oracle, des réponses au discours emblématique, mais intelligible de son amante, qu'il avait écouté avec ravissement. « Ranimeras-tu la rose ? » répéta-t-il en la serrant contre son cœur avec des transports d'amour et de bonheur. La jeune indienne, cédant à la fois au sentiment et à la superstition, se laissa aller dans ses bras, mais soudain elle s'en arracha, le repoussa de toutes ses forces et se retirant, tremblante d'effroi. Elle ne pouvait parler et se bornait à montrer du doigt une figure qui venait d'apparaître au milieu de cette masse tumultueuse et indéfinie de rochers et de ruines. L'amant, sans être alarmé du cri de sa maîtresse, s'avançait pour la reprendre dans ses bras, quand son regard se fixa sur l'objet qui avait frappé le sien, et il se laissa tomber le visage contre terre, dans une adoration muette. La figure qu'il avait aperçue était celle d'une femme, comme il n'en avait jamais vue. Sa peau était d'une blancheur éblouissante, surtout comparée à la teinte cuivrée des Indiens du Bengale. Ses vêtements n'étaient que des fleurs tressées avec des plumes de paon, et dont les riches couleurs formaient une draperie très digne, en effet, de couvrir une déesse insulaire. Ses longs cheveux châtains, nuances qui leur étaient inconnues, tombaient jusqu'à ses pieds et se mêlaient fantastiquement aux fleurs et aux plumes qui formaient son habillement. Sur sa tête, elle portait une couronne de ces coquillages brillants que l'on ne trouve que dans les mers des Indes, et dont le pourpre et le vert luttent d'éclat avec l'améthyste et l'émeraude. Sur son épaule blanche et nue était perché un loxia, et autour de son cou, elle portait un collier formé des œufs de cet oiseau, si blanc et si diaphane que la première souveraine de l'Europe aurait échangé contre eux son plus beau rang de perles. Ses bras et ses jambes étaient tout à fait nus, et son pas avait une rapidité, une légèreté divine, qui frappait autant l'imagination des Indiens que la couleur extraordinaire de sa peau et de ses cheveux. Les jeunes amants, ainsi que nous l'avons dit, se prosternèrent respectueusement devant cette vision. Des sons délicieux frappèrent leurs oreilles. La vision leur adressait la parole, mais c'était dans une langue qui leur était inconnue. Cette circonstance les confirma dans l'idée qu'ils entendaient le langage des dieux, et ils se prosternèrent de nouveau. Dans ce moment, le loxia, quittant son épaule, vint voltiger autour d'eux. « Il va chercher des porte-lanternes pour en éclairer son nid, » dirent les Indiens. Mais l'oiseau, avec une intelligence particulière à son espèce, avait compris et adopté la prédilection de sa maîtresse pour les fleurs fraîches dont elle formait tous les jours sa parure. Il s'élança donc sur le bouton de rose fané qui se trouvait dans le bouquet de l'amant, et l'arrachant d'entre les autres fleurs, il le déposa aux pieds de sa maîtresse. Les Indiens interprétèrent cet augure d'une manière favorable, et après s'être encore une fois prosternés contre terre, ils reprirent le chemin de l'île qu'ils habitaient. Cette fois, ils ne s'embarquèrent pas dans des canots différents. L'amant dirigea celui de son amante, qui, assise en sûreté à côté de lui, prêtait l'oreille aux hymnes que ses jeunes compagnes chantaient en l'honneur de la blanche déesse et de l'île propice aux amours où elle avait fixé sa demeure. La belle et unique habitante de cette île, troublée un moment à la vue de ses adorateurs, ne tarda pas à recouvrer sa tranquillité. Elle ne pouvait connaître la crainte, car rien dans le monde qu'elle avait vu ne lui avait encore offert l'apparence de l'inimitié. Le soleil et l'ombre, les fleurs et les feuilles, les tamarins et les figues dont elle se nourrissait, l'eau qu'elle buvait en admirant l'être charmant qui buvait toujours avec elle, les paons qui étalaient leurs riches et brillants plumages aussitôt qu'ils la voyaient, enfin le loxia qui perchait sur sa main ou sur son épaule, la suivait dans ses promenades et s'efforçait d'imiter sa voix par ses gazouillements, tous ces objets étaient ses amis, et elle ne connaissait qu'eux. Les êtres humains qui parfois s'approchaient de l'île lui causaient, à la vérité, une légère émotion, mais c'était plutôt de la curiosité que de la crainte. D'ailleurs, leurs gestes exprimaient tous du respect. Leur offrande de fleurs lui était si agréable, leur visite se passait dans un silence si profond, qu'elle les voyait sans aucune répugnance, et s'étonnait seulement, en les voyant partir, comment ils pouvaient se soutenir en sûreté sur les eaux, et comment des créatures d'une couleur si sombre, et avec des traits si peu agréables, pouvaient croître au milieu des brillantes fleurs qu'elles lui offraient comme les produits de leur demeure. On pouvait penser que du moins les éléments devaient avoir inspiré à son imagination quelques idées terribles. Mais la régularité périodique de leurs phénomènes dans le climat qu'elle habitait les dépouillait de ce qu'ils avaient d'effrayant. Elle s'y était accoutumée, comme à la succession du jour et de la nuit. N'ayant jamais entendu l'expression de la frayeur d'autrui, elle n'en éprouvait pas elle-même. Car cette communication est dans la plupart des esprits la première cause de l'effroi. Elle n'avait jamais senti que des douleurs si légères qu'elle n'en méritait pas le nom. Elle n'avait aucune idée de la mort. Comment, d'après tout cela, aurait-elle connu la crainte? Quand par hasard l'île était visitée par un ouragan, accompagné du spectacle horrible d'une profonde obscurité au milieu du jour, de nuages noirs et suffocants, du roulement d'un tonnerre épouvantable, elle restait tranquille sous le large feuillage du bananier, ignorant son danger, et examinant avec une curiosité inexplicable les oiseaux qui penchaient la tête et les ailes, et les singes qui sautillaient de branche en branche dans leur bizarre frayeur. Si la foudre tombait sur un arbre, elle la contemplait comme un enfant regarde un feu d'artifice que l'on tire pour l'amuser. Elle pleurait cependant le lendemain, quand elle voyait que les feuilles flétries ne se ranimaient pas. Quand la pluie descendait par torrents, les ruines de la pagode lui offraient un abri, et elle écoutait avec un ravissement inexprimable le bruit des eaux qui roulaient autour d'elle. Elle vivait ainsi comme une fleur au milieu du soleil et de la tempête, plus brillante à la lumière du jour, mais pliant au vent, et tirant de l'un et de l'autre sa douce et sauvage existence. Cette existence moitié physique, moitié imaginative, mais sans passion ou intelligence, dura jusqu'à sa 17e année. Ce fut alors qu'une circonstance arriva, qui en changea pour toujours la couleur. Le lendemain du jour où les Indiens étaient partis, Immali, c'était le nom que ses adorateurs lui avaient donné, Immali, disons-nous, se tenait vers le soir sur le rivage, quand elle vit s'approcher d'elle un être différent de tous ceux qu'elle avait vus jusqu'alors. La couleur de son visage et de ses mains ressemblait à la sienne, mais ses vêtements, qui étaient européens et taillés d'après la mode de l'an 1680, lui parurent si malséants, si peu gracieux, qu'il approuva une sensation mêlée de répugnance et d'étonnement, que ses beaux traits ne purent exprimer autrement que par un sourire. L'étranger s'approcha d'elle, et elle s'avança vers lui. Non point comme une femme d'Europe, avec des révérences pleines de grâce, moins encore comme une jeune fille de l'Inde avec d'humiliantes courbettes, mais semblable à un jeune fin. Ses manières exprimaient à la fois la vie, la timidité et la confiance. Elle quitta précipitamment la grève, courut à son antre favori, et revint bientôt après entourée de son escorte de paons. Ils étalaient leurs magnifiques roues, comme si l'instinct leur avait fait connaître le danger que courait leur protectrice qui, frappant dans ses mains avec joie, paraissait de son côté les inviter à partager le bonheur qu'elle éprouvait en contemplant la nouvelle fleur qui avait pris naissance au milieu des sables du rivage. L'étranger, parvenu auprès d'elle, lui adressa la parole. À son grand étonnement, Immalee reconnut le langage dont les faibles souvenirs de son enfance avaient laissé quelques traces dans sa mémoire. Langage qu'elle avait vainement essayé d'apprendre à ses paons, à ses perroquets et à ses loxiens. En attendant, ses sons lui étaient devenus si étrangers qu'elle fut enchantée quand elle entendit une bouche humaine en prononcer les plus insignifiants. Quand l'étranger lui dit « Comment vous portez-vous, belle vierge ?» Elle répondit « Dieu m'a faite », première réponse du catéchisme que sa bouche enfantine avait autrefois appris à balbutier. Dieu n'a jamais fait une plus belle créature, reprit l'étranger en fixant sur elle des yeux qui brûlent encore sous les paupières de ce grand trempeur. Oh, qui, répondit Immalee, il a fait beaucoup de choses plus belles. La rose est plus rouge que je ne le suis, le palmier est plus grand. Mais ils changent tous, et je ne change pas. La rose se fane après quelques heures, et moi je deviens plus grande et plus forte. Mais d'où venez-vous? Vous n'êtes pas muet comme ceux qui vivent sous la mer, vous n'êtes pas rouge comme ceux que j'aimais, qui me ressemblaient, et qui me paraissaient venir de bien loin, au-delà des eaux. D'où venez-vous? Vous n'avez pas l'éclat des étoiles. Où croissez-vous et comment êtes-vous venu ici? J'ai un faible souvenir d'avoir vu un être comme vous, mais il y a si longtemps que je puis à peine me le rappeler. « Belle créature, dit l'étranger, je viens d'un monde où il y a des milliers d'êtres comme moi. »« Des milliers ? » dit Immalee. « Qu'est-ce que cela veut dire ?»« Cela veut dire beaucoup. C'est impossible, car je suis seul ici, et tous les mondes doivent ressembler à celui-ci. »« Ce que je vous dis est cependant vrai, reprit l'étranger. » Immalee s'arrêta un moment, comme si elle eût fait, pour la première fois, un effort pour réfléchir. Cet effort était pénible. Dans un être dont l'existence n'avait été composée jusqu'alors que d'heureuses inspirations et d'un instinct irréfléchi. Puis tout à coup elle s'écria « Je vous entends mieux que mes oiseaux. Ce que nous faisons s'appelle, je crois, parler, dans le pays d'où vous venez. Les oiseaux et les roses parlent-ils aussi ?» Au lieu de répondre à sa question, l'étranger lui fit entendre qu'il avait faim. Immalee s'empressa de l'engager à la suivre. Elle lui servit un léger repas de figues et de tamarins, et puisa dans une coquille de coco de l'eau du ruisseau limpide qui coulait à l'ombre du manguier. Pendant qu'il mangeait, Immalee lui raconta tout ce qu'elle savait d'elle-même. Elle était, disait-elle, la fille d'un palmier, c'est-à-dire que sous son ombre, elle avait éprouvé la première sensation de son existence. Elle était sans doute fort âgée, car elle avait vu bien des roses naître et se flétrir. Et quoiqu'elles eussent été suivies d'autres roses, elle aimait mieux les premières, parce qu'elles étaient beaucoup plus grandes et plus brillantes. D'ailleurs, tout était devenu plus petit, car elle pouvait présentement atteindre aux fruits qu'autrefois elle n'obtenait qu'après qu'il fût tombé à terre. Ici, l'étranger l'interrompit pour lui demander comment elle avait appris à parler. « C'est ce que je m'en vais vous dire, » répondit Immalee. « Je savais parler avant d'être né. Mais du reste, je me rappelle que j'avais autrefois avec moi un être qui me ressemblait beaucoup, mais il était noir. Cet être était très bon. Il prenait soin de moi. Il me caressait quand j'étais petite. Il m'apportait à manger et à boire. Et il me parlait la même langue que vous. Oh, je me rappelle en effet à présent qu'il m'a dit une fois, tout comme vous, qu'il y avait un autre monde dans lequel il y avait beaucoup d'êtres comme moi. Je l'avais tout à fait oublié. Mais pour en revenir à lui, un jour, je m'étais assise sous ce palmier que vous voyez là-bas. Je désirais un tamarin pour me rafraîchir parce qu'il faisait très chaud. Il n'y en avait point autour de nous, et mon bon ami noir me dit qu'il m'en irait chercher un plus loin. Eh bien, le croiriez-vous, depuis ce temps, je ne l'ai plus revu. J'ai bien pleuré quand j'eus attendu longtemps, longtemps sans le voir revenir. Je l'ai cherché partout, et je ne puis m'imaginer ce qu'il est devenu. Pendant ce discours d'Imalie, l'étranger s'était appuyé contre un arbre et la contemplait avec une expression indéfinissable. Pour la première fois de sa vie, son regard peignait une sorte de compassion. Cette sensation ne dura pas longtemps dans un cœur où elle était étrangère. Son expression se changea bientôt en un regard moitié ironique, moitié diabolique, qu'Imalie ne pouvait comprendre. « Vous êtes donc maintenant ici toute seule, dit-il, depuis le départ de votre compagnon. Vous n'avez pas retrouvé d'autre ami. Oh oui, j'ai un ami bien plus beau que l'autre, mais il ne parle pas. Il demeure sous les eaux. Je l'embrasse, et il me rend mes caresses, mais sa bouche est si froide. Et puis, quand je l'embrasse, on dirait qu'il danse, et sa beauté se brise en beaucoup, beaucoup de petits visages, qui me sourient comme autant de petites étoiles. » Elle continua encore pendant quelque temps à décrire ce mystérieux ami, et quand elle eut fini, l'étranger lui demanda si c'était un homme ou une femme. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire, » répondit Mali. « Je vous demande de quel sexe est votre ami. » Il n'obtint aucune réponse satisfaisante à cette question. Et ce ne fut que le lendemain qu'en visitant de nouveau l'île, il fut confirmé dans le soupçon que lui avaient inspiré les discours d'Imali. Il trouva cet être innocent et aimable, penché sur un ruisseau qui réfléchissait son image, à qui elle faisait mille agaceries pleines de grâce et d'une naïve tendresse. L'étranger la contempla pendant quelque temps, et des pensées que nul homme pourrait pénétrer jetèrent pour un moment leur expression variée sur sa physionomie d'ordinaire si calme. La joie avec laquelle Imalie le reçut contribua aussi à ramener des sentiments humains dans un cœur auquel ils avaient été depuis longtemps étrangers. Il éprouva une sensation semblable à celle de son maître quand il visita le paradis terrestre, c'est-à-dire de la pitié pour les fleurs qu'il était résolu de flétrir à jamais. Il la regarda comme elle le folâtrait autour de lui, les bras étendus et les yeux ivres de joie, et il soupira quand il l'entendit célébrer son arrivée avec des paroles bien dignes d'un être qui, de temps immémorial, n'avait entendu que le murmure des eaux et le chant des habitants des airs. Néanmoins, quelle que fût son ignorance, elle ne put s'empêcher de témoigner sa surprise de ce qu'il venait dans l'île sans aucun moyen apparent de transport. Il évita de répondre et dit « Imalie, je viens d'un monde bien différent de celui que vous habitez, et où vous ne voyez que des fleurs inanimées et des oiseaux privés de raison. Je viens d'un monde où tous les habitants pensent et parlent comme moi. » Imalie garda pendant quelques instants un silence d'étonnement et de joie. À la fin, elle s'écria « Oh, comme ils doivent s'aimer, car j'aime bien mes pauvres oiseaux et mes fleurs, et mes arbres qui m'ombragent, et mes ruisseaux qui chantent pour moi. » L'étranger sourit. « Dans tout ce monde, il n'y a peut-être pas une créature aussi belle et aussi innocente que vous. C'est un monde de souffrance, de crimes et de soucis. » À ces mots, Imalie regarda fixement l'étranger. Elle ne comprenait rien à ce qu'il lui disait, et ce ne fut pas sans peine qu'il parvint à lui donner une bien faible idée de ce qu'il entendait par ces mots épouvantables. « Oh ! S'écria-t-elle à la fin, si je vivais dans ce monde, j'y voudrais rendre chacun heureux. Mais vous ne le pourriez pas, Imalie. Ce monde est si grand que, dans tout le cours de votre vie, vous pourriez à peine le traverser, et dans vos courses, vous ne verriez qu'un petit nombre de malheureux à la fois, et souvent leur malheur serait tel qu'aucun pouvoir humain ne pourrait les soulager. » À ces mots, Imalie fondit en larmes. « Faible, mais aimable créature, dit l'étranger, Pensez-vous que vos larmes puissent guérir les souffrances de la maladie, rafraîchir les feux qui brûlent dans un cœur ulcéré, ranimer le corps externué par la faim, mais surtout, surtout éteindre les flammes des passions illicites? Imali pâlit à cette énumération de mots dont elle n'avait aucune idée. À la fin, elle dit que partout où elle irait, elle apporterait des fleurs et qu'elle ferait asseoir les malheureux sous l'ombre du tamarin. Quant à la maladie et à la mort, elle ne savait pas ce que cela voulait dire. C'est peut-être comme les fleurs que je vois souvent languir et d'autres fois se faner pour ne plus revenir. Mais, ajouta-t-elle après avoir réfléchi un moment, j'ai aussi remarqué que ces fleurs gardent leur délicieux parfum, même après qu'elles se sont flétries pour toujours. Ne serait-il pas possible aussi que ceux qui pensent vivent après que notre corps s'est flétri? Cette pensée est bien douce. Pour la passion, elle n'en avait aucune idée, et ne pouvait proposer de remède à un mal qui lui était si complètement étranger. Elle avait vu des fleurs se faner quand leur saison était passée. Mais elle ne pouvait concevoir pourquoi une fleur se détruirait elle-même. Mais n'avez-vous jamais remarqué un ver dans une fleur? Dit l'étranger avec tout l'artifice de la séduction. Oui, répondit Mali, mais le ver ne faisait point partie de la fleur. Ses propres feuilles n'auraient pu lui faire de mal. Ceci amena une discussion à laquelle l'innocence parfaite d'Imali ôta tous ses dangers. Nonobstant sa vive curiosité et la promptitude de son entendement, ses réponses enjouées mais vagues, son imagination inquiète et bizarre, ses armes intellectuelles acérées, mais qu'elle ne savait pas manier, enfin et par-dessus tout, son instinct et son tact infaillible pour ce qui était juste ou injuste, tout cela fit échouer plus sûrement les discours du tentateur que s'il avait argumenté contre tous les logiciens réunis des académies européennes. Versé dans tous les sophismes des écoles, il était plus qu'ignorant dans cette rhétorique du cœur et de la nature. Tel on dit que le lion s'humilie devant une vierge dans sa pureté naïve. Le tentateur se retirait mécontent quand il vit des larmes mouiller les yeux d'Imali. Cette innocente douleur lui offrit un présage triste et favorable. « Vous pleurez, Imali ?» Oui, je pleure toujours quand je vois le soleil disparaître le soir derrière les nuages. Et vous, soleil de mon cœur, disparaîtrez-vous aussi dans l'ombre? Ne renaîtrez-vous pas? Dites-moi, ne vous reverrai-je plus? En prononçant ces mots, elle pressa la main de l'étranger contre sa bouche de corail. Je n'aimerai plus ni mes roses ni mes paons, si vous ne revenez pas, car ils ne peuvent pas me parler comme vous faites. Et je ne puis leur demander des pensées, tandis que vous m'en donnez beaucoup. Oh, je voudrais avoir beaucoup de pensées au sujet de ce monde qui souffre, et d'où vous venez. En effet, je dois croire que vous en êtes venu, car jusqu'au moment où je vous ai vu, je n'avais jamais senti une douleur qui ne fût un plaisir. Maintenant, tout est douleur, surtout quand je songe que vous ne reviendrez pas. Je reviendrai, belle Imali, et je vous montrerai à mon retour un aperçu de ce monde d'où je viens, et que vous habiterez bientôt vous-même. Je vous y verrai donc, dit Mali. Sans cela, comment pourrais-je parler des pensées? Oh oui, oh certainement. Mais pourquoi répétez-vous deux fois la même chose? Un mot de votre bouche aurait suffi. Eh bien donc, oui. Prenez cette rose, et respirons-en le parfum ensemble. C'est ce que je dis à mon ami du ruisseau quand je me baisse pour l'embrasser. Mais il retire sa rose avant que je l'aie sentie, et je laisse la mienne sur l'eau. Eh bien, ne voulez-vous pas la prendre? Oui, sans doute, dit l'étranger en prenant une fleur dans le bouquet qu'Imali lui présentait. Elle était fanée. Il s'en saisit et la cacha dans son sein. Allez-vous donc traverser cette mer obscure, dit Imali, sans vous mettre dans une de ces grandes coquilles dans lesquelles j'ai vu venir ces êtres rouges dont je vous ai parlé? Nous nous reverrons, dit l'étranger, et ce sera dans le monde des souffrances. Je vous remercie, répondit Imali en le voyant se plonger dans les flots. L'étranger se contenta de répondre. Nous nous reverrons. Deux fois avant de partir, il jette un regard sur cette créature si belle et si innocente. Un sentiment d'humanité fait tressaillir son cœur. Mais tout à coup, il arrache de son sein la rose fanée et répond au sourire enchanteur d'Imali. Nous nous reverrons.